Chapitre 14. Si le marquis n'avait écouté que son désir, il serait le soir même parti pour Rudemont. Le voyage, le calme de la campagne, le changement de vie eussent distrait Denise de son chagrin. Mais sa résolution arrêtée de garder Denise près de lui l'obligea à certains arrangements qui devaient précéder l'installation de l'enfant à Rudemont. L'examen qu'il lui avait fait subir en venant de Château-Chinon à Paris lui avait montré qu'elle ne savait rien. Son éducation était à refaire ou, pour parler plus exactement, à faire. Pour tout ce qui touchait l'instruction, c'était une sauvage. S'il avait eu 10 ans et s'il n'avait pas été sous l'impression immédiate du coup qui venait de l'atteindre, il l'eût probablement placé dans une maison d'éducation la meilleure qu'il eût pu choisir. Mais dans l'état d'accablement où elle se trouvait, elle avait besoin de tendresse. D'un autre côté, elle était une grande fille de 15 ans, et comme elle ne savait rien, il faudrait, dans une maison où l'instruction se donnerait en commun, la mettre avec des gamines de 10 ans. Que ferait-elle? Comment acceptera-t-elle cette compagnie? N'y aurait-il pas là des ennuis ou des blessures d'amour-propre de nature à la rebuter? Il devait donc lui donner des maîtres particuliers, ou mieux, une institutrice. Où la trouver, cette institutrice? Où la chercher? Son embarras était grand. Heureusement, il se rappela que parmi ses anciennes amies, il y en avait une qui, touchée par la grâce depuis qu'elle avait doublé la quarantaine, s'était lancée avec un zèle ardent dans toutes les œuvres de charité, et il pensa qu'elle pourrait sans doute le guider dans ce choix ou tout au moins l'éclairer. Il alla lui rendre visite. Au premier mot qu'il lui adressa pour exposer sa demande, elle poussa les hauts cris. « Et quoi, mon ami? Vous allez adopter cette jeune fille? Je dis adopter, car il est impossible que vous la reconnaissiez, n'est-ce pas? L'enfant d'une comédienne, cela n'offre aucune garantie. Me conseillez-vous de l'abandonner? Ce n'est point à moi d'inspirer votre cœur. Ce que je voulais dire seulement, c'est qu'en adoptant cet enfant, vous faites jusqu'à un certain point œuvre d'égoïsme. Vous êtes arrivé à un âge, mon ami, où l'on se prend volontiers d'affection pour les enfants. Vous allez vous mettre à adorer celle-là. C'est un mal, je ne dis pas cela. Mais vous allez l'adorer pour vous. Elle va s'emparer de vous entièrement, et vous n'allez plus vivre que par elle. J'aurais voulu mieux que cela pour une âme généreuse comme la vôtre. Ainsi, croyez-vous que moi, par exemple, j'aurais pu me donner aux œuvres que je dirige ou que j'inspire, si j'avais été retenu par des enfants, soit qu'ils m'eussent appartenu, soit que je les eusse adoptés? Non, mon ami, non. Ces sentiments étroits compriment notre âme et l'empêchent d'arriver à une conception plus haute et plus générale du dévouement. En écoutant ce langage, le marquis se rappelait le temps où cette même femme se félicitait de n'avoir pas d'enfant, parce que la maternité empêchait une âme passionnée de se donner entièrement à l'amour. Et il réfléchissait combien l'âge, qui paraît nous modifier si profondément, nous atteint peu, en réalité, tout en changeant les conditions de notre existence. « Enfin, continua-t-elle, j'ai en vue en ce moment une personne qui peut-être réunira les conditions que vous exigez. C'est une jeune femme de 25 ans environ, mariée à un capitaine de cavalerie, qui, en ces derniers temps, a quitté l'armée, je ne sais trop pourquoi. Mais je n'ai pas du tout besoin d'un officier de cavalerie. Je sais, vous aimez mieux la femme. Votre frange, je dois vous dire que c'est là ce qui me retient de vous donner cette personne. Je vous connais. Vous m'avez connu. Ce qui veut dire que vous ne me connaissez plus. L'âge qui a passé sur vous sans vous effleurer a pesé sur moi. J'ai 45 ans. En êtes-vous sûr? Enfin, je ne veux pas que cette jeune femme soit exposée chez vous à certains dangers. Je ne l'ai vue qu'une fois, elle m'a paru jolie. J'ai besoin de la revoir. Si elle est vraiment telle qu'elle m'est apparue, je vous en chercherai une autre. Le mérite de celle-là, c'est d'avoir déjà fait une éducation dans une famille qui habite les environs de Caen. C'est là que son mari, qui était officier de remonte, l'a connue et épousée. Par malheur, cet officier, ayant donné sa démission ou l'ayant reçue, la pauvre femme est obligée de reprendre aujourd'hui son ancienne condition, car ils sont gênés, très gênés, les pauvres gens. Le mari gagne quelque argent chez un marchand de chevaux des Champs-Élysées. Cela est peu engageant. Ah, les choses se font avec discrétion et convenance. Je ne dis pas que cette position vaille celle d'un général, mais enfin, on fait ce qu'on peut en ce monde. Le tout est de le faire honorablement. C'est justement ce point que j'examinerai en prenant des renseignements sur le capitaine Beaujolnier. Quant à la femme, un coup d'œil suffira. Vous pouvez partir pour Rudemont, je vous écrirai. C'est que j'aimerais autant la connaître. Vous voyez, mon pauvre ami, que vous êtes incurable, tel vous étiez, tel vous êtes resté. Il ne voulut pas se fâcher. Je suis tout simplement un homme à manie, dit-il en riant. J'ai horreur d'avoir autour de moi de vilains visages. Si vous m'envoyiez quelque institutrice allemande, avec des lunettes et des dents en touche de piano, il me serait impossible d'entrer dans l'appartement de l'enfant, et je veux pouvoir surveiller son travail. Voilà tout. Vos soupçons flattent ma vanité. malheureusement, ils n'ont pas raison d'être, croyez-le. Je vous écrirai. » Pour attendre cette réponse, il devait donc prolonger son séjour à Paris. Que faire de Denise pendant ce temps? L'appartement des Champs-Élysées n'offrait pas de grandes facilités pour les distractions, et il serait mauvais que l'enfant restât seul, une partie de la journée enfermée dans sa chambre. Comme il rentrait, examinant par quels moyens il pourrait l'occuper, il la trouva avec un atlas de France sur les genoux. « Que cherchez-vous donc ? » dit-il. « Vous avez paru si fâché l'autre jour, quand je n'ai pu vous nommer le canal qui passe à Châtillon, que je cherchais le nom de ce canal. Et vous l'avez trouvé ? C'est le canal du Nivernais, qui va de Lyon à la Loire en traversant le Morvan. Alors, mon enfant, le travail ne vous ennuie pas. Je suis heureux de vous voir dans cette disposition, car je viens de m'occuper de vous. Votre éducation ayant été négligée, j'ai cru qu'il fallait la refaire. » Comme il la regardait, il vit un nuage de tristesse se répandre sur son visage. « Cela vous peine que je pense à vous faire travailler ? Non, je vous assure. Cependant, quand j'ai parlé de refaire votre éducation, vous avez laissé paraître une certaine inquiétude. » Elle rougit. « Vous n'avez pas été troublé ? Si. Et pourquoi ? » Elle restait hésitante, puis, enfin, d'une voix émue. « C'est que j'ai pensé que je devais rentrer en pension et m'éloigner de vous, qui avez été si bon pour moi. » Et de grosses larmes emplirent ses yeux, tandis qu'elle détournait la tête. « Non, mon enfant, non, vous n'irez pas en pension, et nous ne nous séparerons pas. Si vous vous sentez un peu de tendresse pour moi, je vous assure que j'en éprouve une très vive pour vous. Je suis sorti pour vous trouver une institutrice, qui vous enseignera, sans que nous nous séparions, ce que vous n'avez pas pu apprendre chez Mademoiselle Dabin. Nous allons donc rester encore quelques jours à Paris. » Afin d'employer ces quelques jours, il fit sortir Denise avec lui. Il avait un trousseau, des robes, 1000 objets à lui commander avant de l'emmener à Rudemont. Puis, en sortant des magasins, il la promena dans les musées, dans les jardins de Paris, prenant plaisir à provoquer ses questions, s'intéressant à ses réponses. Elle avait de l'esprit, et ce qui vaut mieux, un sens droit, avec cela, du cœur. Elle serait une femme charmante. Alors, en la regardant et en l'écoutant, il se laissait aller un sentiment de tendresse indéfinissable pour lui, car il s'y mêlait une certaine angoisse qui n'avait pas sa raison d'être. Assurément, elle était sa fille. Mais pourquoi ne lui ressemblait-elle pas? Que n'eût-il pas donné pour qu'elle eût de lui un trait, un signe qui sautasse aux yeux? Il voulut la faire photographier. Puis il se fit photographier lui-même dans la même pose, et cela malgré le photographe qui soutenait que cette pose n'était pas à son avantage. Mais il avait bien souci de son avantage, que lui importait? Les ressemblances qui échappent souvent quand on compare deux personnes sautent aux yeux quand on compare les portraits de ces personnes. La photographie saisit, pour les fixer et les préciser, des points de ressemblance qu'on était inhabile à reconnaître. Alors, il porta dans son carnet le portrait de Denise accolé au sien, et plus d'une fois par jour, au moment où il était seul, il les étudia avec une poignante curiosité. Évidemment, la ressemblance entre eux n'était pas saisissante, mais cependant, il y avait quelque chose.